À l'aube, je vois depuis ma fenêtre naître les passants percent des thermopiles. Pressés, ils marchent, mon immobilité. Cette parenthèse de mort les trouve. Ici, ensemble, nous avons duré 11 ans. Mais l'adversité nous sépare à nouveau. Sur le sable de Minos, les ondes d'un lac déformaient mon reflet. Là, face à la mort, seul mon amour me soutenait. J'ai fait de tes étreintes mon horizon, ma lance, mon toi fuais, mais ne sera plus heureux. J'ai parcouru les parcs au miel de ton crépuscule. Mais tu, nous sommes nous lassés d'espoir trop doux. Le premier jour s'acheva comme une fête. Tu savais que tout en échouant périt et renaît ainsi. Mais toi, comme amante de Mécène, tu t'accrochais à ta citadelle abandonnée. Tu sauras que mes talents sont éthérés. D'être parti, d'avoir méprisé notre histoire commune.